Salut Eric. Bon matin Denis. Mon Dieu, t'étais loin de ton micro. On t'a senti sauter sur le microphone. On l'a perdu. Non, je suis là. Ok, okay, excusez. Okay. C'est beau. Eric, on va commencer avec Gabriel Nadeau-Dubois, Oui. Qui a été reconnu coupable d'outrage au tribunal. Faut croire que même pour les petits baveux, il y a un système de justice. Écoute, il est pas au-dessus des lois, le petit Gabriel Nadeau-Dubois. Malheureusement pour lui, il l'a appris hier à ses dépens, effectivement. Jean-François Moras, l'étudiant qui le poursuivait, qui disait que lui-même, qui avait gagné une injonction, on se souvient, pour pouvoir avoir le droit d'assister à ses cours, comme Laurent Proulx. Eh bien, il avait décidé que Gabriel Nadeau-Dubois avait fait une entrevue, si vous vous rappelez bien, avec Anne-Marie Dussault à RDI, où il incitait pratiquement les étudiants à défier l'injonction de la Cour. Donc, ça a été considéré hier, effectivement, comme un outrage au tribunal. Il s'expose maintenant à une peine d'emprisonnement maximale d'un an ou une amende maximale de 50 000 $. On va voir dans les prochains jours. Ah, ça va, il n'y aura pas ça, mais moi, Eric, c'est le discours du juge que j'ai aimé. Le juge, ouais. Il fait la leçon. Oui. Le juge Denis Jarre qui dit, entre autres, « Le défi à la loi est le plus sûr chemin menant à la tyrannie. Il traite d'anarchiste dans le jugement. » Moi, c'est ce que je retiens. C'est qu'il s'est fait donner une leçon de démocratie, Gabriel Nadeau-Dubois, hier. Absolument. Le donné de leçon de démocratie qui s'en est fait donner une hier comme faux. Et c'était effectivement de toute beauté. J'ai hâte de voir la sentence. Puis hier, écoute, dans Montréal, ils ont dit « On va faire une manif en appui à Gabriel Nadeau-Dubois. » Il n'y avait pas 100 personnes. Je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec les manifs qu'on a connus au printemps. Je pense qu'il y a plus grand monde qui sont très solidaires, entre guillemets, de Gabriel Nadeau-Dubois. Mais, les étudiants s'en foutent pas mal, j'ai l'impression. Mais même en bâtissant, là, moi, je suis estomaqué de voir qu'à Montréal, c'est le seul sujet cette semaine qui vous a fait descendre dans la rue. Mais c'est ça qui est bizarre. Écoute, la ville croule sous les scandales. On a un maire qui est accusé de corruption jusqu'aux oreilles. Il n'y a pas un chat qui descend dans la rue avec sa casserole puis avec son ruban rouge. Mais pour une Gabriel Nadeau-Dubois, hier, il y en avait 100 qui sont descendu avec le casserole à hurler, pas à dire, à crier à l'injustice, puis à crier au manque de démocratie. Je vais te dire une affaire, on n'a pas les mêmes définitions du mot démocratie puis du mot de respect des contribuables ou de respect des citoyens. Ah non, c'est ça. Hey, parenthèse, Éric, okay, je passe un peu du coq à l'âne, mais je veux t'entendre là-dessus. Tu vas voir, c'est dans la même veine un peu. T'es peut-être pas au courant de l'histoire, là. C'est un petit article dans le Soleil ce matin. Il y a eu un die-in hier à l'école secondaire, les Etchemins, ça arrive sud de Québec. C'est des élèves qui se couchaient sur le plancher du corridor, OK, un die-in, une manifestation. Font semblant d'être morts. Ouais, on se couche à terre, on fait semblant d'être mort et on manifeste contre la peine de mort dans certains pays. C'est un prof de pastoral qui leur monte à faire ça. On institutionnalise finalement la manifestation et le couchage à terre pour obtenir ce qu'on veut, pour faire passer nos points. Tu sais, ça me fait penser un peu à ce qu'on a vécu ce printemps. Est-ce que c'est la job d'une école de montrer à des élèves à manifester? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ça, effectivement, c'est un sujet qui commence à retenir beaucoup l'attention à la propagande gauchiste dans les écoles, avec les syndicats de profs aussi, qui sont toujours pas loin en arrière quand il arrive des abus comme ceux-là. Le magazine McLean, qui est le magazine numéro 1 au Canada, en a fait sa une cette semaine. C'est bon? Je l'ai lu. C'est-tu bon, cet article-là? Absolument. C'est extraordinaire. Ils ont fait un numéro spécial là-dessus, sur la propagande, puis j'allais dire, l'intoxication idéologique dans les écoles, qu'est-ce que les profs puis les syndicats de prof essaye de rentrer dans le cerveau de vos enfants au niveau politique, essayer de leur dicter des opinions politiques. C'est assez unique et particulier, puis ça a quelque chose d'excessivement répugnant. Et puis pour plusieurs jeunes, Éric, ça devient la seule source politique pendant des années, parce que souvent, à l'heure du souper, les parents s'ajosent pas de politique d'un chaumière. Moi, la seule discussion politique que j'avais quand j'étais jeune, c'était avec mes professeurs d'histoire, puis avec des professeurs syndiqués. Ben oui, absolument. C'est ça qui est catastrophique. Puis on va justement, on a des établissements d'enseignement, puis on a des profs, justement pour développer le sens critique, pour que ces gens-là puissent questionner, puissent réfléchir, pas pour qu'il y ait de l'espèce de fast-food idéologique, puis qu'on leur rende ça de force dans la gueule, puis qu'on leur dit c'est ça qu'il faut penser si vous voulez faire partie du club des gentils dans la vie. Malheureusement, on a l'impression que c'est ça que nos écoles font. Et c'est grave de voir comment c'est juste d'un bord et que c'est débalancé. Moi, qu'on présente des idées, puis qu'il y ait des débats dans les classes, puis qu'il y ait toutes sortes de monde, c'est-tu dire, OK, la moitié de la classe est pour, l'autre moitié est contre, puis que ça c'est normal là. Mmh. Il faut développer l'esprit critique, il faut que ces citoyens là demain matin là, ils puissent réfléchir. Fait que ça serait normal, puis ça, il faut que ça soit justement des électeurs qui votent pas comme des idiots là. Donc il faut développer ce sens là, mais de là à essayer de leur inculquer des valeurs, les obliger à se coucher à terre, faire un daïn, faut être fou. Il faut leur montrer qu'en démocratie, c'est pas comme ça que tu fais changer les choses. Tu te fais élire, tu votes, c'est comme ça que tu changes les choses dans un pays démocratique. C'est ça qui est bizarre, parce que c'est antidémocratique, hein. Mm. La pensée unique, là, qui est véhiculée par certains gauchistes dans nos écoles, va exactement à sens contraire de la démocratie. Ça a tout à voir avec le totalitarisme puis la dictature, ça a rien à voir avec la démocratie. Est-ce que les profs devraient se garder un droit de réserve? Là, on a un prof qui se déguise en panda, on a un autre qui donne l'adresse privée de la matricule police. Ici, quand il y a eu des manifs avec les étudiants, il n'y a pas eu des tonnes comparativement à Montréal. Mais les plus excités, les plus agressifs, les plus hystériques, c'était pas des étudiants, c'était des professeurs de cégep. C'est ça qui est encore plus bizarre puis inacceptable. Ces gens-là sont pas là pour dicter ça. Et l'autre problème là-dedans, Denis, c'est qu'il y a pas de sanctions. Quand ils font ces folies-là... Exact. Moi, je m'excuse, mais quand tu donnes le numéro de téléphone ou l'adresse privée de matricule 728... Ben, t'es aussi fou qu'elle, là. Un prof d'éthique, rappelons-le. Elle, oui, c'est ça. Elle a été suspendue, hein. Ce prof-là, à ce que je sache, il a pas encore été suspendu. Il aurait dû l'être. Il se fait applaudir. Il se fait applaudir, puis il est une victime. Si jamais il avait été suspendu, il serait devenu une victime. Alors qu'elle, il a été dénoncé sur toutes les tribunes. Tout le monde disait qu'il fallait qu'elle perde sa job sur le champ. Puis la même gang qui dit ça sont ceux qui font exactement la même chose de l'autre bord, puis eux autres qui ont aucune sanction. La même chose pour le prof qui fait le die-in. Tant qu'à moi, ça mérite une suspension. Ouais, mais je suis convaincu que son syndicat est fier de lui, puis que tout le monde est fier de lui. Là, ils vont le défendre. C'est ça qui est le bout du bout. Ouais. Le syndicat va le défendre. Mais moi, comme parent, je rends sacrément. Ils ont pas d'affaire à institutionnaliser ça. L'enseignement de la manifestation, l'enseignement de la crise du bacon. C'est bizarre. Comment bloquer, comment faire de la désobéissance. T'as lu l'article du McLean, là, c'est pire que ça. Dans des livres qu'on donne aux enfants, c'est de leur inculquer des idées. Tous les parents, là, faites ça aujourd'hui. Allez vous chercher la dernière édition du McLean. Il parle entre autres, c'est sûr que ça touche plus le Canada anglais, il parle entre autres qu'on monte aux élèves à être contre l'oléoduc, à être contre les sables bitumineux, ce genre de dossier-là. J'ai appelé moi à la CSQ, le syndicat des profs au Québec. J'ai parlé au gars des communications, le monsieur Girard, Claude Girard. Mmh. J'ai demandé d'avoir une entrevue avec un porte-parole de la CSQ pour parler de ça. Ils ont refusé. Le syndicat des profs là, qui est prêt à défendre n'importe quelle niaiserie, là, quand on leur demande, on met leur nez dans le caca, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent puis ils n'ont pas le courage de venir devant un micro puis se défendre puis débattre parce qu'ils n'ont pas d'argument. C'est facile convaincre des enfants qui savent pas de quoi tu parles, là, puis essayer de leur rentrer dans la tête ton idéologie gauchiste, mais de venir à notre tribune à choix, là, en débattre face à face, homme à homme, là, ça, ils sont pas capables parce qu'ils n'ont pas assez d'arguments, ils ont surtout pas assez de courage pour le faire. C'est assez bizarre, hein? Moi, ça me révolte de voir comment ces gens-là sont prêts à faire ça dans les écoles, mais sont pas prêts à la place publique à venir expliquer ce qu'ils font à laver le cerveau de certains enfants.